Tu fais quoi demain soir ? Rien. Ça te dit de dîner au resto ? D'accord. Où ? Chez Marcel, à la Bastille. Je n'aime pas la Bastille. Il y a trop de monde le samedi. Et chez Paparazzi, à côté de l'opéra ? La cuisine italienne. Bonne idée. À quelle heure ? À 20h. Je réserve. Ok. À demain alors. À demain.